Notre monde est si vaste qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et que la science ne cessera jamais de nous surprendre. Je science donc je suis prend le micro pour vous offrir, une fois par mois, une dose de science, un format court pour satisfaire votre curiosité. Salut, c'est Leïla pour l'épisode de Flash Science du mois. Prenez une grande inspiration et soufflez très fort avec moi pour faire tourner les éoliennes. En France, la production décarbonée de l'électricité est en plein essor. Il s'agit de produire l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de nucléaire. De nombreux scénarios de transition attribuent une place importante à l'éolien, malgré les débats pour le moins électriques qui s'emparent de la place des éoliennes. Dans cet épisode, pas question de s'essouffler sur des sujets politiques, mais on va plutôt s'intéresser au fonctionnement des éoliennes et à quelques idées reçues qui brassent l'air autour d'elles. Tout d'abord, de l'extérieur, les éoliennes sont constituées d'un mât et d'un rotor équipé de pales qui tournent au gré du vent. À l'intérieur, la production d'électricité est assurée par un système électronique adapté aux puissances très élevées. Il permet la production d'électricité à partir de l'énergie du vent et sera évoqué plus tard dans cet épisode. Plus le vent souffle fort sur les éoliennes, plus elles génèrent de la puissance électrique. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles s'élèvent à une hauteur variant de 120 à 155 mètres, la puissance du vent augmentant avec l'altitude. Pour garantir la mise en mouvement du rotor, quelle que soit la direction du vent, le profil des pales de l'éolienne est dessiné comme une aile d'avion. Schématiquement, elles sont bombées d'un côté et plates de l'autre. Ainsi, lorsque l'air s'écoule autour d'une pale, il est accéléré du côté bombé par rapport au côté plat. Cette différence de vitesse engendre une différence de pression. La force résultant de cette différence s'appelle la force de portance qui met la pale en mouvement. À présent, nous avons des hélices qui tournent au sommet de l'éolienne. Mais comment ce mouvement produit-il de l'électricité ? C'est grâce à la conversion des énergies. Le vent transmet son énergie cinétique, liée à sa vitesse et à la masse d'air déplacée, à l'hélice de l'éolienne. Celle-ci, en tournant, la convertit en énergie mécanique. À l'intérieur du mât de l'éolienne se trouve une bobine de fil conducteur et un aimant. L'aimant est alors mis en mouvement à l'intérieur de la bobine de fil conducteur par la rotation des pales de l'éolienne et ce mouvement permet la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique à la manière d'une dynamo. Le fonctionnement effectif d'une éolienne dépend de la vitesse du vent et d'un convertisseur électronique de puissance qui va piloter la rotation des pales. Celles-ci se mettent à tourner à partir d'un vent faible de 10 km/h et accélèrent proportionnellement à la vitesse du vent. Lorsque le vent atteint 50 km/h, la puissance électrique produite par l'éolienne est maximale. On appelle cette puissance la puissance nominale. Le convertisseur électronique de puissance de l'éolienne est doté d'une seconde mission, puisqu'il adapte la production d'électricité aux besoins du réseau. Lorsque le vent souffle au-delà de 50 km/h, la vitesse de rotation est volontairement ralentie pour stabiliser la production à la puissance nominale. Enfin, lorsque le vent souffle à plus de 100 km/h, la force subie par l'éolienne est trop importante et la rotation est volontairement mise à l'arrêt pour éviter l'usure du matériel. Terminons par quelques constats chiffrés sur les éoliennes. Tout d'abord, les éoliennes produisent de l'électricité à leur puissance nominale environ un quart de leur temps de fonctionnement sur une année. Mais elles produisent bien de l'électricité plus de 80% du temps. Également, les éoliennes doivent se trouver à au moins 500 mètres de toute habitation. Ainsi, le bruit généré par les hélices qui fendent l'air n'excède pas les 50 décibels, ce qui correspond à une ambiance de restaurant paisible. Aussi, le territoire français n'est pas recouvert d'éoliennes. En effet, les scénarios les plus optimistes concernant le déploiement de l'éolien en France prévoient 35 000 mâts environ en 2050, ce qui équivaut au nombre d'éoliennes actuellement en Allemagne. Par rapport au réseau routier, le parc éolien occupe 5 fois moins de place. Cependant, les projets d'éoliennes offshore, c'est-à-dire implantés en mer et reliés par des câbles souterrains au continent, font l'objet de nombreux recours de la part d'associations locales et de pêcheurs. Il convient également d'évoquer l'impact négatif de la fabrication des éoliennes sur l'environnement, dû à l'extraction des matières premières et au transport de celles-ci. Néanmoins, une étude de l'ADEME de 2015 basée sur les équivalents d'émissions de CO2 de plusieurs moyens de production d'énergie place l'éolien en troisième position après l'hydraulique et le nucléaire, mais loin devant le fioul, le gaz et le charbon. Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet de science. J'espère que cet épisode venteux vous a aéré l'esprit. Si vous avez encore des questions sur les éoliennes, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.